Section 17 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 17. Croquis d'octobre par Gustave Geffroy. Chapitre 4. Les victimes de la propriété. Octobre. Précurseur de l'hiver, mois du terme qui rend soucieux les petits locataires, fait songer à cette ligue des antipropriétaires, fondée par quelques anarchistes de bonne volonté, décidés à passer des paroles aux actes. Là, des déclamations, des réunions, partisans de la seule propagande par le fait. Ils ont eu l'ambition de fonder une véritable administration des déménagements subreptices, avec ses bureaux, sa comptabilité, sa correspondance. Tout locataire impuissant à payer l'arriéré de ses termes et pourtant désireux d'entrer dans un local nouveau avec sa commode, sa table, ses chaises, son armoire, ses nippes, sa casserole, sa poêle à frire, sa boîte à sel et la cage du serin, ce locataire-là peut se transporter au siège de la Ligue et exposer son cas à l'employé préposé aux doléances. Celui-ci se rend compte bien vite de la justesse des plaintes articulées, prend note des griefs, demande l'adresse, indique un jour et une heure propices de l'évasion, de l'acajou et de la faïence, et c'est une affaire convenue. Au moment indiqué, les compagnons déménageurs se présentent et opère de la façon que l'on sait, avec une célérité inimaginable. Déménageurs modèles qui ne cassent rien, qui glissent silencieusement par les couloirs et les escaliers, comme des ombres chargées de fardeaux, qui ne s'assoient pas sur leur panier au milieu de leur besogne pour manger le fromage et boire le litre. Il faut d'abord tirer les locataires d'embarras. On admettra ensuite la possibilité de casser une croûte en chantant les chansons féroces composées sur les proprios par les mystificateurs qui aident aux révolutions. Les adhérents n'auraient pas manqué, tous ceux qui pratiquent le nocturne et périlleux déménagement dit « à la cloche de bois » ne demandèrent pas mieux, sans doute, que de voir l'ouvrage proprement fait, en plein jour, par des mains expérimentées. La Ligue pouvait compter sur une clientèle fidèle, d'un accroissement continu, sans qu'il eût besoin d'exciter la population par des prospectus et des circulaires faisant valoir les avantages du système. Mais c'est précisément ce trop facile succès qui a créé un danger sérieux pour l'association. Comment cacher une telle réussite? Comment échapper aux investigations des magistrats curieux signalé par Baudelaire? Plus la Ligue étendait son action, plus l'exemple devenait contagieux et plus les difficultés survenaient. Il aurait fallu prendre modèle sur cette société secrète, la Muette, fondée par Alexandre Potée, dont chacun fait partie à son insu, dont le but est inconnu, dont les moyens d'action sont nuls. De même, la Ligue des antipropriétaires ne devait pas avoir de siège social, de relations avec les intéressés, de conversations avec les concierges. Elle devait être impalpable, se trouver à la fois partout et nulle part, faire sa besogne avec une précision stupéfiante et rester néanmoins dans une région vague et inaccessible, se confondre avec l'atmosphère, pénétrer dans les maisons par les cheminées, par les tuyaux de conduite, par les lézardes des murs, charger les meubles devenus légers et fluides sur des fantômes de voitures traînées par des spectres de chevaux dont les sabots ne feraient aucun bruit sur les pavés. La cloche de bois était forcée d'être non seulement silencieuse mais invisible. Mais entrer à 10 dans une maison, enfermer le concierge dans sa loge, descendre rapidement les meubles du locataire menacé de saisie, fouetter le cheval ou se mettre courageusement dans les brancards d'une voiture à bras et s'en aller emménager ailleurs. Cela peut réussir une fois. Il y a peu de chances pour que de telles entreprises se recommencent dans les mêmes conditions de sécurité. Le concierge peut s'échapper, communiquer par signe avec le dehors. Le propriétaire peut survenir. Et voilà, le poste voisin averti et l'opération dérangée. Les gardiens de la paix entrent en scène, tirent de leur poche leur crayon et leur petit calepin, et l'explication se termine chez le commissaire de police. Compagnon, il faudra trouver autre chose. Le moyen apparaît bien ce qu'il est, un palliatif de courte portée, d'une application difficile et sans régularité aucune. Les bons blagueurs, redresseurs de torts, prétendent tout résoudre en faisant des niches à M. Vautour, propriétaire, et à M. Pipelet, concierge. Anarchistes groupés en compagnie franche de déménageurs libres, ils apportent là, comme partout, l'esprit de scepticisme gouailleur qui les caractérise. Ils doutent les premiers de l'excellence du remède qu'ils préconisent. Qu'il soit donc permis maintenant de faire défiler une seconde série des victimes du loyer, victimes touchantes, accablées de soucis, en lutte perpétuelle contre la vie, terrorisées, tout autant que les locataires, par l'idée de propriété. C'est des propriétaires qu'il s'agit, non pas tous les propriétaires, non pas même tous les petits propriétaires, le petit propriétaire du faubourg, de la banlieue, de la ville de province, de la campagne, qui habite sa maison et qui ne s'adjoint pas de locataire, celui-là est forcément hors de cause. Il est à la fois son locataire et son concierge. Il inspecte le produit de son jardin. Il dispose les choses à sa fantaisie. Il répare à ses heures. Il est le charbonnier maître chez lui. Le gros propriétaire qui n'habite pas son immeuble, qui loue à des prix considérables ses étages, à des gens presque aussi riches que lui, ou tout au moins à des personnages solvables, en possession de vrais mobiliers, qui fait toucher ses rentes par des gérants. Celui-là non plus ne peut pas figurer dans la catégorie de ceux qui sont à plaindre. Il est si puissant, si sûr de son fait, que la pensée de lui chercher noise ne viendra à personne. La Ligue ne songera jamais à opérer rue de Rivoli, boulevard Malherbe, boulevard Haussmann, et jamais les locataires de ces pays-là ne réclameront les services de la Ligue. Le propriétaire victime, c'est celui qui est propriétaire par hasard ou par bêtise. Il a hérité d'une bicoque ou il a cru malicieux de l'acheter pour presque rien, avec l'intention d'en tirer des sommes. Il s'agit dans ce cas d'une maison faite de planches, de gravats et de plâtre, où les fondations et la carcasse ont employé juste assez de pierres pour que les murs se tiennent en équilibre. Il n'est pas besoin de plus amples descriptions. On la voit d'ici, cette maison, à Montrouge ou à Grenelle, à Ménilmontant ou à La Villette. Ah, il a fait une bonne affaire, le malheureux. S'il a hérité, il a eu bien tort de ne pas vendre tout de suite la bâtisse au prix des matériaux et le terrain à n'importe quel prix. S'il a acheté au prix de ses économies de commerçant, il va apprendre en peu de temps comment l'épargne et le désir du gain sont récompensés. Ce qui peut lui arriver de mieux, c'est de ne pas trouver à louer. Les écriteaux entrechoqueront leur bois à la porte, les volets resteront sur les boutiques, et ce sera la période la meilleure. C'est de l'argent qui dort, dira le pitoyable spéculateur. Attends, mon bonhomme, ton argent va se réveiller. Voilà les locataires qui arrivent, car il en vient toujours, qui ne savent où aller, et qui, faute de trouver mieux, consentent à apporter leur triste mobilier dans la déplorable boîte. Les deux boutiques s'ouvrent, les logements sont occupés. Les jours de terme se succèdent et le propriétaire reconnaît bientôt combien il lui est difficile de tenir une comptabilité régulière. Les uns payent, les autres ne payent pas. L'argent arrive en retard, est versé par acompte. Il y a des factures de 3 francs par semaine. Et encore, là, il s'agit de ceux qui veulent payer, des ouvriers abatteurs d'ouvrages, des ménagères qui se font un point d'honneur de ne rien devoir aux propriétaires. Mais il y en a d'autres qui sont indifférents ou qui ne peuvent pas payer, et d'autres encore qui préfèrent porter les 3 francs chez le marchand de vin. Alors, c'est le supplice qui commence pour le propriétaire. Quelque sensible, quelque longanime qu'il soit, il finit par donner congé. Il laisse partir les gens, bien souvent avec leurs meubles. S'il les retient, ces meubles, il n'en tire rien. Parfois, il a affaire à des entêtés qui le forcent à les expulser pour lui faire des frais. S'il les sort lui-même, il peut lui arriver d'être obligé de faire le coup de poing sur le trottoir devant sa maison. S'il a affaire à des débiteurs très vigoureux, il risque d'aller à l'hôpital. Les contributions courent toujours pendant ce temps-là. Le délabrement s'aggrave de jour en jour. Perpétuellement, il y a les couvreurs sur les toits, les maçons contre les murs, les fumistes dans les logements. Le propriétaire accablé de mémoire, de réclamations, prend le parti de faire les travaux lui-même. Le voilà qui pose des tuiles et des briques, qui gâche du plâtre, qui ramonne les cheminées. Il renvoie le concierge, se met en loge, tire le cordon, nettoie la maison. Il est un de ces pauvres diables, le nom de la rue où il habitait pourrait être cité, qui avait pris le parti de vider lui-même ses fosses, avec l'aide de sa femme, et de porter le produit de sa vidange d'amateur dans des buttes et des terrains vagues. Ce métier-là ne peut pas durer toujours. L'homme, naturellement, n'a pas voulu abandonner ses occupations premières. Il est resté commerçant ou employé ou ouvrier. Il est donc forcé de reconnaître qu'il ne peut faire plusieurs choses à la fois et que ce n'est pas une besogne si facile et si vite expédiée que de s'en aller présenter des quittances à des gens qui n'ont pas d'argent. Il est donc forcé d'opter. S'il opte pour la propriété, il est perdu. C'est lui qui sera un jour saisi, vendu, expulsé hors de sa maison, grevé d'hypothèques. Les déménageurs anarchistes et aussi les collectivistes, possibilistes ou impossibilistes, qui consentent à se préoccuper du sort des petits commerçants et des petits industriels, ne pourraient-ils pas, un jour, mettre quelque chose dans leur programme en faveur des petits propriétaires ? Fin de la section 17, lue par Margot.